4. Alan et Marianne. La petite caravane marcha d'abord silencieusement. Le cavalier et la jeune fille pensaient encore au danger qu'ils avaient couru, et tout au monde d'idées nouvelles surgissaient dans la tête de notre jeune archi. Il admirait pour la première fois la beauté d'une femme. Fier par instinct, de race autant que par caractère, il ne voulait pas paraître inférieur à ceux qui lui devaient la vie et affecté en les guidant des manières orgueilleuses et pleines de rudesse. Il devinait que ces personnages, modestement vêtus et voyageant sans équipage, appartenaient à la noblesse. Mais il se croyait leur égal dans la forêt de Sherwood, et même leur supérieur, devant les embûches des assassins. La plus grande ambition de Robin était de paraître habile archer et forestier audacieux. Il méritait le premier titre, mais on lui refusait le second, que démentaient d'ailleurs ses formes juvéniles. À tous ses avantages naturels, Robin joignait encore le charme d'une voix mélodieuse. Il le savait, et chantait partout où il lui plaisait de chanter. Il eut pu donc de donner au voyageur une idée de son talent, et il entonna allègrement une joyeuse ballade. Mais dès les premiers mots, une émotion extraordinaire paralysa sa voix, et ses lèvres se fermèrent en tremblant. Il essaya de nouveau, et redevint muet en poussant un gros soupir. Il essaya encore, même soupir, même émotion. Le naïf enfant éprouvait déjà les timidités de l'amour. Il adorait, sans le savoir, l'image de la belle inconnue qui chevauchait derrière lui, et il oubliait ses chansons en rêvant à ses yeux noirs. Il finit cependant par comprendre les causes de son trouble, et s'écria, en retrouvant son sang-froid, « Patience, je la verrai bientôt sans son capuchon. » Le cavalier interrogea Robin sur ses goûts, ses habitudes et ses occupations avec bienveillance. Mais Robin lui répondit froidement, et ne changea de ton qu'au moment où son amour-propre fut mis en jeu. « Tu n'as donc pas craint, dit l'étranger, que ce misérable outlaw cherchât à se venger sur toi de son insuccès ?»« Parbleu, non, messire, car il m'était impossible d'avoir cette dernière crainte. »« Impossible ? » ?»« Oui, l'habitude m'a fait un jeu des coups les plus difficiles. » Il y avait trop de bonne foi et de noble orgueil dans les réponses de Robin pour que l'étranger s'en moquât. Il reprit. « Serais-tu assez bon tireur pour atteindre à 50 pas ce que tu touches à 15 ?»« Certainement. » »« Mais, ajouta l'enfant d'un ton railleur, « j'espère, messire, que vous ne regardez pas comme un trait d'adresse la leçon que j'ai donnée à ce bandit. Pourquoi ? C'est qu'une pareille bagatelle ne prouve rien. Et quelle meilleure preuve pourrais-tu me donner ? Qu'une occasion se présente et vous verrez. » Le silence se rétablit pendant quelques minutes et la caravane arriva au bord d'une grande clairière que le chemin coupait en diagonale. Au même instant, un gros oiseau de proie s'élevait dans l'atmosphère et un jeune faon, alarmé par le bruit du passage des chevaux, sortait d'un fourré voisin et traversait l'espace boisé pour se remiser de l'autre côté. « Attention !» s'écria Robin en tenant une flèche entre ses dents et en plaçant une seconde à son arc. « Que préférez-vous, le gibier à plumes ou le gibier à poils ? Choisissez !» Mais avant que le chevalier eût eu le loisir de répondre, le faon tombait blessé à mort et l'oiseau de proie descendait en tournoyant sur la clairière. « Puisque vous n'avez pas choisi quand il vivait ?» « Vous choisirez ce soir quand ils seront rôtis. »« Admirable !» s'écria le chevalier. « Merveilleux !» murmura la jeune fille. « Vos seigneuries n'ont qu'à suivre le droit chemin, et après cette futaie, elles apercevront la maison de mon père. « Salut, je prends les devants pour vous annoncer à ma mère et envoyer notre vieux domestique ramasser le gibier. » Cela dit, Robin disparut en courant. « C'est un noble enfant, n'est-ce pas, Marianne ?» dit le chevalier à sa compagne. « Un charmant garçon. » Et le plus joli forestier anglais que j'ai jamais vu. Il est bien jeune encore, répondit l'étrangère. Et peut-être plus jeune encore que ne l'annonce la taille élancée et la vigueur de ses membres. Vous ne sauriez croire, Marianne, combien la vie en plein air favorise le développement de nos forces et entretient la santé. Et il n'en est pas ainsi, dans l'atmosphère étouffante des villes, ajouta le cavalier en soupirant. Je crois, messire Alan Clare, répliqua la jeune dame avec un fin sourire, que vos soupirs s'adressent beaucoup moins aux arbres verts de la forêt de Sherwood qu'à leur charmante fée de la terre, la noble fille du baron de Nottingham. Vous avez raison, Marianne, ma sœur chérie, et je l'avoue, je préférerais, si le choix dépendait de ma volonté, passer mes jours à rôder dans ces forêts, ayant pour demeure la chaumière d'un yeoman et Christabel pour femme, plutôt que de m'asseoir sur un trône. Frère, l'idée est belle, mais un peu romanesque. Êtes-vous certain, d'ailleurs, que Christabel consente à échanger sa vie princière contre la mesquine existence dont vous parlez. Ah, cher Alan, ne vous bercez pas de folles espérances. Je doute fort que le baron vous accorde jamais la main de sa fille. » Le front du jeune homme se rembrunit, mais il chassa aussitôt ce nuage de tristesse et dit à sa sœur d'un ton calme « Je croyais vous avoir entendu parler avec enthousiasme des agréments de la vie champêtre. C'est vrai, Alan, je le confesse, j'ai parfois des goûts étranges. Mais je ne pense pas que Christabel en ait de semblable. Si Christabel m'aime véritablement, elle se plaira dans ma demeure, quelle qu'elle soit. Ah, vous pressentez le refus du baron. Mais si je voulais, je n'aurais qu'à dire un mot, un seul, et le fier, l'irascible Fils Alwyn agréerait ma demande, sous peine d'être proscrit et de voir son château de Nottingham réduit en poussière. Chut, voici la chaumière, dit Marianne interrompant son frère. La mère du jeune homme nous attend à la porte. Vraiment, l'extérieur de cette femme est des plus agréables. Son enfant possède le même avantage, répondit le jeune homme en souriant. Oh, ce n'est plus un enfant, murmura Marianne, et une subite rougeur envahit sa figure. Mais quand la jeune fille eut mis pied à terre à l'aide de son frère, quand son capuchon rejeté en arrière eut découvert ses traits, la rougeur avait fait place à une légère teinte rosée. Robin, qui se tenait près de sa mère, admirait avec une radieuse surprise la première femme qui eut fait battre son cœur, et l'émotion du jeune archer était si vive, si franche, si vraie, qu'il s'écria sans avoir la conscience de ses paroles « Ah, j'étais bien sûr que de si beaux yeux ne pouvaient éclairer qu'une belle figure !» Marguerite, étonnée de la hardiesse de son fils, se tourna vers lui et l'interpella d'une voix presque grondeuse. Alan se prit à rire, et la belle Marianne devint aussi rouge que l'effrontée Robin, qui, pour cacher son embarras et sa honte, se jeta au cou de sa mère. Mais le naïf espiègle eut soin d'épier d'un regard de côté la physionomie de Marianne, et il n'y vit point de colère. Au contraire, un bienveillant sourire, que la jeune fille croyait dérobé au coupable, illuminait ses traits, et le coupable, assuré d'obtenir sa grâce, se hasarda à lever timidement les yeux sur son idole. Une heure après, Gilbert Head revint au logis portant en croupe sur son cheval un homme blessé qu'il avait rencontré en route. Il descendit l'étranger avec des précautions infinies de son siège incommode et le porta dans la salle en appelant Marguerite, occupée à installer les voyageurs dans les chambres du premier étage. À la voix de Gilbert, Maggie accourut. « Tiens, femme, voici un pauvre homme qui a grand besoin de tes soins. » Un mauvais plaisant lui a joué le tour atroce de lui clouer avec une flèche la main de son arc au moment où il visait un daguet. « Allons, bonne Maggie, hâtons-nous. Cet homme est très affaibli par la perte de son sang. « Comment te trouves-tu, camarade ?» ajouta le vieillard en s'adressant au blessé. « Courage, tu guériras. Allons donc, relève un peu la tête et ne te laisse pas abattre ainsi. Prends courage, morbleu, on ne meurt pas pour une pointe de clou dans la main. » Le blessé, affaissé sur lui-même et la tête entre les épaules, courbait le front et semblait vouloir dérober à ses hôtes la vue de son visage. En ce moment, Robin rentra dans la maison et courut vers son père pour l'aider à soutenir le blessé. Mais à peine eut-il jeté les yeux sur lui qu'il s'éloigna et fit signe au vieux Gilbert de venir lui parler. « Père, dit tout bas le jeune homme, ayez bien soin de cacher aux voyageurs de là-haut la présence de ce blessé dans notre maison. Plus tard, vous saurez pourquoi. Soyez prudent. » Et quel autre sentiment que celui de la compassion pourrait éveiller chez nous autres la présence de ce pauvre forestier baigné dans son sang? « Vous le saurez ce soir, père. En attendant, suivez mon conseil. » « Je le saurai. Je le saurai ce soir, » reprit Gilbert, mécontent. « Eh bien, je veux le savoir de suite, car je trouve fort étrange qu'un enfant tel que toi se permette de me donner des leçons de prudence. » « Parle. Quel rapport y a-t-il entre le forestier et leur seigneurie ?»« Attendez, je vous en conjure. Je vous le dirai ce soir, quand nous sommes seuls. »